Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Le mésanger est l'emblème aviaire du Canada. Le harfang des neiges est l'emblème aviaire du Québec. Des villes ont aussi leur emblème aviaire. Par exemple, à Contrecœur, c'est le cardinal rouge. Et à Québec, les citoyens et citoyennes se prononcent en ce moment pour choisir leur emblème aviaire. Alors, André Desrochers est professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval. Il est aussi ornithologue et il va nous présenter les oiseaux en lice pour devenir l'emblème aviaire du Québec. Bonjour, André. Bonjour Valérie. Alors en fait, André, un emblème aviaire, au-delà de faire joli, est-ce que ça a une fonction particulière? Pourquoi on donne des emblèmes aviaires comme ça aux villes ou aux pays? Ben, il y a plusieurs raisons. Évidemment, faire joli, c'en est une, c'est sûr, mais bon, il y a une raison peut-être éducative aussi. Ça permet aux gens de réfléchir, de penser aux oiseaux, des gens qui se préoccupent pas des oiseaux de manière normale, par exemple dans leur quotidien. Ben, sont amenés à faire une petite réflexion là-dessus, puis voir donc explorer la diversité d'espèces, puis faire un petit peu d'introspection, si on veut, à savoir quel genre d'oiseaux ils aiment le plus, hein, des oiseaux de proie, des beaux oiseaux, bon, etc., des oiseaux communs, familiers. Bref, ça nous donne une occasion de faire le ménage un peu dans nos préconceptions et comment dire, nos échelles de valeur là, par rapport aux oiseaux. Alors, il y a cinq oiseaux qui sont en lice pour être l'emblème aviaire de Québec. Donc, ils ont été choisis par qui et comment, en fait? C'est quoi le processus? Honnêtement, je ne le sais pas, mais je crois que le Club des ornithologues de Québec a été impliqué là-dedans. Donc, le Club des ornithologues de Québec, là, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une institution qui va avoir, ou qui a, je crois, qu'il a 75 ans cette année, ou qui va atteindre 75 ans là, prochainement. Et donc, on est à Québec depuis fort longtemps. Puis autrefois, ce club-là, d'ailleurs, couvrait la province entière, si je peux me permettre une parenthèse. Mais suite à la fondation de plusieurs clubs un peu partout dans la province, le Club des ornithologues de Québec maintenant s'occupe de la grande région de Québec, de la capitale nationale, puis un peu sur la rive sud aussi. Bref, nous sommes je dis nous parce que évidemment, je suis un membre du club depuis longtemps. Nous sommes des interlocuteurs évidents là, pour ce genre de dossier-là. Alors, c'est soit ça, il y a cinq oiseaux qui ont donc été choisis, mais en fait, un emblème, cinq oiseaux parmi tant d'autres, parce qu'il n'y a pas seulement cinq espèces d'oiseaux qui sont présentes à Québec. Qu'est-ce que ça devrait être les qualités, les caractéristiques d'un emblème pour une ville ou un pays, quel que soit l'endroit? Qu'est-ce que ça devrait être les qualités? Ah ben évidemment, c'est une question politique à la limite, dans le sens qu'est-ce que les gens de manière majoritaire pensent à propos des caractéristiques favorables d'une espèce. Bon, je pourrais en nommer quelques-unes qui sont assez évidentes. Bon, si l'oiseau est beau, hein, si l'oiseau est commun ou connu des gens, s'il occupe le territoire, ça me semble une condition essentielle. Mais maintenant, est-ce qu'il occupe juste quelques mois ou quelques semaines dans l'année ou à l'année longue? Ça peut être un autre critère. Aussi, si c'est un emblème de conservation, par exemple, une espèce menacée pourrait, en fait, c'est une arme à deux tranchants parce que l'espèce menacée peut nous inciter à réfléchir à la conservation. En même temps, les gens pourraient dire, ouais, c'est un peu loser d'une certaine manière de choisir une espèce en déclin, par exemple, comme emblème. Donc, c'est une arme à deux tranchants. Bon, alors voilà, ça fait partie des critères. Lorsque le Harfang des neiges a été choisi pour représenter la province de Québec, il y avait aussi un autre critère par ailleurs que j'allais oublier, celui de la redondance, c'est-à-dire est-ce que l'espèce est déjà emblématique d'une autre localité, d'une autre ville ou d'une autre province? Dans notre cas, par exemple, si une espèce était emblématique de Montréal ou de Laval ou de Trois-Rivières, ben ça jouerait un petit peu contre. Donc, il y a tout ça. Je reviens donc sur la question du harfang au niveau du Québec. Le harfang des neiges, on avait établi un processus vraiment impeccable en deux étapes. La première étape, c'était de sonder les ornithologues. On avait sondé, je crois, juste les ornithologues, mais l'ensemble des ornithologues de la province savoir quels sont les critères selon vous qui sont les plus importants. Et donc, on avait proposé une longue liste de critères, puis on avait demandé aux gens d'énumérer les critères par ordre décroissant, là, de préférence. Ensuite, une fois qu'on avait les critères, ben, ça nous a permis de façon assez transparente de faire une liste courte d'espèces qui respectaient tous ces critères. Et ensuite a eu lieu le vote final sur l'espèce parmi celles qui respectaient les critères. Donc, ici, pour Québec, les cinq espèces qui sont listées, bon, rencontrent les critères de base. Je crois que ce sont tous de beaux oiseaux. On peut les nommer d'ailleurs, Bah hein, oui, c'est avant le de vous moment de les quitter. nommer. Il y a le grand pic. Il y a le colibri à gorge de rubis. Il y a la mésange tête noire, si je me souviens bien. Tu me corrigeras là, parce que je n'ai pas la liste devant moi. Ouais, je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y a les Peut-être mésanges. pas la Il y a la mésange, non. sittelle. Il y a la sittelle, donc le grand pic, la sittelle, je disais le colibri, le cardinal. Ouais. Et quelle est la dernière espèce? À l'aide. Le merle. Le merle, voilà. Donc, alors ça, ce sont ces cinq oiseaux qui sont donc bien présents dans la capitale nationale. Et puis, ils sont tous jolis, on en convient. Certains sont plus, comment dire, familiers que d'autres. Hein. Le merle d'Amérique, par exemple, très familier. Le colibri, pour ceux qui mettent des abreuvoirs, on connaît bien. Le grand pic, moins familier. Mais le grand pic est particulier parce qu'il était essentiellement inexistant de la ville de Québec il y a un demi-siècle. Maintenant, on le voit à toutes sortes d'endroits dans la ville. C'est une espèce qui s'est vraiment installée, tout comme le cardinal, par ailleurs. Et je ne crois pas, les gens vont m'accuser de ne pas avoir fait mes devoirs ici, là, mais je ne crois pas que ces oiseaux-là soient emblématiques, d'une autre ville du Québec. Bah, apparemment, j'ai vu que le cardinal rouge était l'emblème de Contrecœur depuis 2018. Ah ouais, OK. Ouais. Alors peut-être que ce que j'ai lu était une phase, était une phase préliminaire. Et Ouais. ça n'a peut-être pas été confirmé dans les années qui suivent. Et puis j'ai pas pris le temps non plus d'aller vérifier. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, si c'est déjà l'emblème d'une autre ville, c'est un peu embêtant d'en faire aussi l'emblème Ben de la voilà. ville du Québec. C'est pas interdit, bien sûr. Il y a aucune loi qui nous empêche de faire ça. Quant à moi, bon, si chacun doit son opinion, bien sûr, puis ça devient un peu un processus démocratique. Puis j'aime bien l'approche de Québec, donc de sonder la population à ce propos-là. Donc les gens sont invités à aller sur le site web puis cocher l'espèce qu'ils préfèrent. Je peux vous donner en scoop ma préférence, mais je la donne pas tout de suite. Mais il y avait Mais la là, cité de la poitrine blanche aussi dont vous n'avez pas parlé. oui, effectivement, la sittelle à poitrine blanche est un oiseau moins connu des gens, mais ceux qui ont des mangeoires, tôt ou tard, finissent par avoir cet oiseau-là parmi leurs visiteurs. On va souvent la voir sur les blocs de suif, mais elle mange aussi du tournesol. La sittelle à poitrine blanche, puis elle a cette caractéristique de se promener la tête vers le bas C'est sur les vrai. troncs d'arbres. Donc, elle arpente les troncs d'arbres un peu comme les pics, mais généralement, la tête part en bas. Donc ça étonne quand on n'est pas habitué. Encore une fois, c'est un oiseau qui est très joli, qui a toujours été présent dans la région de Québec. Elle est quand même en hausse, on en a beaucoup plus, c'est possiblement dû aux mangeoires, justement. Voilà. Le colibri est, bon, c'est un oiseau est particulier, hein, dans une autre classe. C'est tout petit, c'est tout différent des quatre autres espèces. C'est un oiseau tropical essentiellement, le colibri à gorge rubis, qui vient nous voir très rapidement, quelques mois, mais c'est essentiellement un oiseau tropical. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines d'espèces de colibris en Amérique latine, en Amérique tropicale. Ici, c'est notre seule espèce de colibri au Québec, excepté là, les raretés. Là. Mais il niche quand même ici. C'est un oiseau tropical, Mais mais il niche au Québec, pas au Québec. oui, alors évidemment, on peut. Je fais un peu d'hyperbole en disant que c'est un oiseau tropical. Je le dis parce qu'il passe bon la majeure partie de l'année en milieu tropical, puis sa biologie, elle est associée hein, au nectar, bien sûr. Donc c'est un phénomène plus tropical à première vue, mais effectivement, le colibri niche là, puis c'est un oiseau excessivement discret en nidification. J'ai trouvé une seule fois un nid de colibri en 50 ans d'ornithologie. C'est pas un oiseau qui laisse découvrir son site de nidification aussi facilement, par exemple, que le merle d'Amérique, qui des fois manque un peu de subtilité hein, dans son emplacement de nid, genre sur le luminaire à côté de la porte d'entrée, là. C'est beaucoup plus commun. Mais le colibri a ceci qu'il est quand même, en tout cas moi personnellement, quand je vois le colibri arriver, je suis toujours assez émerveillée de le voir ses vols sur place tellement précis pour les butiner. C'est toujours la fête quand le colibri arrive, personnellement. Oui, Il a ce effectivement, côté-là, d'être joli, mais en plus d'être quand même assez particulier. Là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Peut-être parce que c'est le côté ensoleillé, tropical qui nous rend visite aussi. Oui, effectivement. Donc, voilà. Puis toutes ces raisons-là, bien sûr, sont aussi valables que d'autres. C'est ce qui rend la chose, je dirais, intéressante là, par rapport à un oiseau emblématique. Mais Le grand pic, comme je le vous avez nommé, mentionnais, oui? oui, excuse-moi. Ah bah, vous avez parlé de la mésange à tête noire là. Et moi j'étais surprise de ne pas la voir dans les 5 oiseaux en lice parce qu'elle est finalement c'est un des rares oiseaux qui nous tient compagnie toute l'année de façon assez fréquente en ville par exemple ou dans les banlieues parce que les autres oiseaux en hiver ils vont dans le bois soit ils vont au sud soit ils vont se cacher dans le bois je sais pas mais la mésange c'est le seul oiseau que je vois toute l'année moi en tout cas et j'étais surprise Oui, de ne pas le oui. voir dans les oiseaux en lice. Oui, c'est étonnant. Je soupçonne que c'est parce que c'est un oiseau emblème de plusieurs localités. Hein. C'est une des provinces du Canada, je ne me souviens pas laquelle, possiblement le Nouveau-Brunswick, mais je le dis sous réserve, là. Mais il est oiseau emblème puis aux États-Unis, je crois aussi le Massachusetts, si je me souviens bien, en tout cas un ou l'autre des États du Nord-Est. Donc, c'est un choix populaire. Peut-être qu'on s'est dit, on va essayer d'être original là, et aller ailleurs que la mésange. Quant à moi, c'est mon oiseau, je dirais, si on avait un oiseau emblématique de la planète, je voterais pour la mésange à tête noire. C'est mon oiseau favori de toutes les 10 000 ou 11 000 espèces, du monde. Bon, c'est très personnel. J'ai étudié la mésange, Ah ouais, vous les à connaissez ma par cœur, ça jeunesse. fait partie de la famille. Ouais, ils font partie de la famille. Puis c'est un oiseau qui, objectivement, comme tu le mentionnes, il est présent à l'année longue. Il est très familier. C'est un oiseau qui aime explorer. Il a toutes sortes de belles qualités, cet oiseau-là, là, qui le rend irrésistible. Mais on a résisté donc à Québec à la tentation de le mettre dans la liste. Des candidats. Bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais je suis sûr que ton commentaire, Valérie, doit résonner auprès de plusieurs personnes qui auraient probablement voté pour cet oiseau-là s'il avait été présent dans la liste. Mais bon, ça nous amène justement à découvrir d'autres oiseaux qui sont aussi fabuleux. Moi, je vais être à l'aise avec un ou l'autre des choix là, qui sont proposés. Je trouve que ce sont tous d'excellents choix. De quel on a parlé du cardinal aussi, qui est un oiseau qui n'était pas présent donc dans la région. Quant à moi, ça joue un peu contre, d'une certaine manière, parce que c'est une arrivée récente. On pourrait dire la même chose par ailleurs du Grand Pic, effectivement, mais le Grand Pic était quand même présent à Québec dans un passé relativement lointain. Il est juste plus abondant maintenant. Il était peut-être en forêt alentour, par contre, il n'était pas à Oui. Québec, mais est-ce qu'il était en forêt alentour? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis, c'est un oiseau aussi associé aux grands feuillus, hein, aux gros arbres feuillus, les hêtres, les ormes, bon, les grands érables. Et ces arbres-là n'étaient pas aussi prépondérants dans la ville de Québec dans le passé que maintenant. Il y avait beaucoup plus de conifères à Québec, hein. Puis, il y avait aussi des champs, etc. Puis, des gros arbres feuillus. C'était cantonné juste dans certains secteurs comme, bon, peut-être les plaines d'Abraham dans ce coin-là, l'escarpement, là, bon, etc. Mais il y avait peut-être moins d'habitats pour le Grand Pic à l'époque que maintenant. Et le cardinal, pour y revenir, ben, lui, c'était carrément une rareté, là. C'était un oiseau qui faisait courir les ornithologues il y a juste une trentaine d'années de cela, là. Exactement, lui, il n'était pas dans la région, donc c'est un nouveau venu. Ouais, c'est ça. Donc, alors quelqu'un pourrait argumenter que c'est un oiseau qui est, c'est un arrivage trop récent. Ouais, donc c'est pas évident de départager, hein, parce que bon, le cardinal est vraiment très joli, là, rouge avec sa huppe, et puis son chant qui son chant flûté, là, c'est quand même assez, bon, c'est un bel oiseau, on aime bien l'entendre. Le Oui. colibri, il passe pas toute l'année ici, il est de passage pour nicher, mais il a ce petit côté un peu fantastique avec son vol, puis son côté tropical. Donc le grand pic, il est majestueux par sa taille, donc on l'entend qui fait toc toc toc. Donc c'est aussi Oui. intéressant. La cité à la poitrine blanche, je trouve ça intéressant aussi parce que ça permet de faire des oiseaux, de faire connaître des oiseaux qui sont locaux mais qui sont pas connus. Puis ce serait très distinctif. Il y a probablement pas beaucoup d'autres endroits qui ont choisi cet oiseau-là Comme comme emblème. emblème. Donc ça a un intérêt de faire connaître un petit oiseau joli, curieux parce qu'il se promène la tête en bas. De faire connaître. Puis le Oui. merle, bah, il est omniprésent et c'est notre compagnon des courants arrière aussi le merle. Pas en Oui, hiver, mais quand exactement. même souvent là. Et puis, il a l'avantage de nicher. La mésange, on la voit souvent, mais c'est plus dur de la voir nicher, alors que le merle, on le voit nicher. Donc, ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient, hein. C'est pas facile de choisir. Non, c'est ça. Le merle, c'est l'oiseau qui nous partage le plus sa vie privée, je dirais, parmi les Oui. cinq. La nidification, le nourrissage des jeunes, on voit les petits là, qui sont sortis du nid, qui se promènent à terre sur le gazon, hein, qui émanent de la nourriture, bon, tout Oui. ça. Alors, il y a quelque chose d'intéressant chez le merle. Puis le chant, j'ai entendu mon premier merle d'ailleurs hier matin ou avant-hier Ah ouais? chanter, là. Puis Oui. bon, il y en a eu tout l'hiver dans le secteur, mais j'aime toujours le moment où j'en entends un chanter, faire sa turlute pour la première fois. À 3 heures du matin? Ben lui, il n'était pas si excité que ça, là. Je pense qu'à 3 heures, il faisait un peu trop froid. Ah Mais ouais. ça va venir assez vite, le merle qui chante effectivement à 3 heures du matin. C'est ça, on ne peut pas le manquer. Là, c'est comme le coq à la campagne. Bah, là, on a le merle qui va se mettre à chanter à 3 heures du matin pendant la période de reproduction. Oui, c'est ça. Ouais. La citelle, pour moi, c'était certainement pas mon premier choix parce que la citelle à poitrine blanche, je comprends que c'est un oiseau qui a de belles qualités, mais n'empêche que c'est pas un oiseau qui nous fait tomber la mâchoire, on va dire ça comme ça, là. Quant à moi, à mon avis, c'est pas, j'ai rarement entendu des gens dire, ah, j'ai vu un oiseau récemment, là, on dit que c'était une citelle à la poitrine blanche, puis ça m'a vraiment marqué, etc. J'ai jamais entendu de témoignages. Non. J'entends des témoignages de gens, des fois, comme à propos du carouge à épaulettes, hein, ou du Ah ouais. cardinal. Ah oui, on a un cardinal chez nous. Bon, c'est des oiseaux qui font jaser. Ou j'ai vu une mésange qui a fait quelque chose de vraiment bizarre. Bon, Ouais. ce genre de témoignages-là, ou le merle qui a fait son nid dans la boîte à mâles. Bon, donc, il y a des témoignages, mais j'ai encore, j'ai pas dans ma liste de témoignages de gens. Je dirais de gens ordinaires, entre guillemets, qui me parlent de la citelle à la poitrine blanche. Du coup, je serais vraiment étonné que ce soit l'oiseau Ouais. sélectionné. Mais bon, si c'est le cas, c'est encore une fois, c'est un oiseau quand même. Mais ça a le mérite de faire connaître d'autres oiseaux que les oiseaux qu'on connaît, les oiseaux communs qu'on connaît le plus. Ça a le mérite de rappeler, bah, il existe d'autres oiseaux. Oui, effectivement. Mais j'entends déjà comme on dit, les langues sales dire. C'est bien Québec, c'est d'avoir choisi un oiseau que personne ne connaît. Mais Ouais. voilà. Donc, à suivre, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui va jusqu'à quand le sondage est ouvert, mais je crois que ça va être déterminé. Donc, le choix va être fait avant l'été. Ouais. Pour ça, là, j'ai vu qu'il y avait une date floue, là. Il n'y avait pas une date précise du J'ai pas vu calendrier la dans ce que date. j'ai Moi, trouvé. j'ai On parlait du voté printemps. parce qu'on peut voter dans les bibliothèques aussi. J'ai vu que moi, j'ai voté dans une bibliothèque. Là, c'est comme OK. ça que je l'ai appris d'ailleurs, hein. J'ai vu à la bibliothèque, il y avait les 5 oiseaux en lice, les petits papiers pour voter. Donc, j'ai mis mon vote. C'est pour ça que je l'ai appris. Donc, on peut peut-être voter aussi par Internet. Je ne sais OK. pas. Ouais. Ben, oui, on peut voter. Moi, j'ai voté par Internet. Ouais. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as voté. Évidemment, la question est peut-être trop indiscrète. Moi, ça me dérange pas de le dire. Moi, Ben ça oui. commence par un M. OK, donc le merle. OK, Voilà. ben c'est bon. Ouais, j'ai senti que tu avais un petit faible pour le merle. Ben, c'est un excellent choix. Ben, tous les choix, encore une fois, sont excellents. Bien sûr, on ne fera pas de la polémique ici, là, Ouais. mais Pas du tout. Je ne veux pas dire ben, ça je pour dirais. influencer les auditeurs, auditrices, pas du tout. Non, mais tu viens de le faire, évidemment, parce qu'on sait que tu as une influence du haut de ta tribune Ah non, démesurée. j'ai défendu la candidature de la Citelle également. Non, non. Oui. Ben moi, écoute, je vais aussi m'ouvrir. Moi, j'ai voté pour le Grand Pic. Ce qui peut sembler contradictoire par rapport à mon propos sur un arrivant récent, là, quand je parlais du cardinal, parce que le grand pic est d'une certaine manière dans cette catégorie-là, même s'il était présent, comme je le soulignais. Puis j'ai choisi le grand pic, moi, parce que c'est un oiseau qui fait faire waouh aux gens. C'est Quand les vrai. gens voient, quand ils passent un grand pic, ça passe jamais inaperçu. Ça, c'est vrai. Même, bon, il y a un barbecue dans la cour avec les amis, etc. Puis arrive un grand pic sur l'arbre, je pense que tout le monde arrête de parler. Puis regarde le C'est grand vrai. pic, là, c'est un Ça, oiseau c'est vrai, ouais. tropical. C'est vrai que quand il y a un grand pic qui passe, on ne peut pas s'empêcher de dire, hey, c'est un grand pic. Ouais. Voilà. Puis donc, mais moi, c'était mon choix. Je soupçonne que le grand pic est emblématique dans d'autres régions. Les gens pourraient dire, ouais, mais le grand pic, par contre, André, il brise des arbres, etc. Ce à quoi je réponds, ces arbres sont déjà brisés d'une certaine manière, parce que si un grand pic fait des trous dans un arbre, Ouais. c'est généralement parce que l'arbre est infesté de fourmis charpentières. C'est ça, c'est qu'il y a à manger dedans. Voilà, donc c'est le symptôme, le grand pic, et non pas la cause du problème. Mais voilà. Mais Ouais. bon, on peut sortir un argumentaire pour chaque espèce, bien sûr, encore Exactement, une fois. exactement. Donc, on rappelle les cinq espèces en lice, le merle d'Amérique, la cité, la poitrine blanche, le grand pic, le cardinal rouge et le colibri à gorge rubis. Puis chacun peut aller voter donc par Internet dans les bibliothèques. Et ben, on a bien hâte de voir quel sera notre emblème aviaire de la ville de Québec. Voilà. Voilà, et je profite pour faire une petite plug aussi sur le Club des ornithologues de Québec pour ceux et celles qui ne connaissent pas puis qui ont un intérêt envers les oiseaux parce que vous avez une mangeoire ou quoi que ce soit. Ben, allez voir aussi le site du Club des ornithologues. On doit certainement parler de cette histoire d'oiseaux emblématiques. Et puis voilà, vous ferez peut-être des belles découvertes. Exactement, c'est une très, très, très bonne idée. Alors, merci beaucoup, André, pour cette présentation des cinq oiseaux en lice pour devenir l'emblème aviaire de la ville de Québec. Merci, André. Merci à toi, Valérie. Alors, nous étions en compagnie d'André Desrochers, qui est professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval et aussi ornithologue. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple revient bien sûr la semaine prochaine. On fera un peu de littérature avec un roman qui parle de physique quantique et une BD qui parle d'environnement. Et pour le moment, je vous laisse écouter en aparté sur CKRL 89.1 avec Calypso le Moine. façon cruelle l'amour éternel. Est-ce que j'ai tout ma son pays, ce serait